Nous concluons notre semaine de la Fabrique de l'Histoire sur l'Empire Ottoman en nous demandant comment on pouvait gouverner un si grand empire pendant une si grande durée de temps. Combien a-t-il fallu de temps aux conquérants de l'Empire byzantin pour installer leur pouvoir civil et militaire? Quelles innovations administratives ont-ils créées, ces nouveaux gouvernants? Le pouvoir du sultan était-il respecté de manière uniforme dans tout l'Empire? Comment a-t-il évolué d'ailleurs ce pouvoir du sultan et de ceux qui le servaient? De quelle marge de manœuvre disposaient les gouverneurs de province? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission, donc quatrième émission sur l'Empire ottoman, avec Perrine Carbon qui a préparé toute la semaine avec nous, avec Benjamin Lelouch, il est maître de conférence à Paris 8, il est auteur entre autres des Ottomans en Égypte chez Peters en 2006. Nous aurons avec nous depuis les studios de la radio à Berlin, Nora Laffy, elle est chercheuse au Centrum Moderner Orient, donc le centre d'histoire contemporaine de Berlin, et elle est auteur entre autres d'une ville du Maghreb entre Ancien Régime et Réforme Ottomane, jeunesse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie, c'est chez l'Harmattan. Et également avec nous en studio ici à Paris, Odile Moreau, maître de conférence à l'Université de Montpellier, qui publiera à l'automne chez Soteca Belin un ouvrage sur la Turquie dans la Première Guerre mondiale. Bonjour Perrine Carvran, bonjour à vous Odile Moreau. Bonjour. Bonjour Benjamin Lelouch. Bonjour. Et bonjour à Nora Laffy, vous êtes à distance puisque vous êtes dans les studios de la radio à Berlin pour nous accompagner pendant toute cette heure. Bonjour Nora Laffy. Bonjour, guten Morgen. Et merci d'être avec nous donc à distance. Vous allez intervenir dans un instant. Je voulais peut-être commencer avec vous, Benjamin Lelouch, parce que vous êtes celui qui vous intéressait à la période la plus ancienne parmi les participants de cette table ronde et de ce débat, puisque vous travaillez justement sur cette période de la conquête de cet empire, de la création de cet empire, et que vous êtes auteur des Ottomans en Égypte. On en parlera pendant cette émission. Alors, que reprennent les conquérants turcs à partir de la chute de Constantinople, de l'organisation administrative d'un très grand empire, lui-même héritier d'un autre très grand empire, l'Empire romain, à savoir l'Empire byzantin, Benjamin Lelouch? Est-ce que, justement, dans ce gouvernement, eh bien, ceux qui arrivent vont reprendre des structures déjà existantes, les adapter, et comment? Oui. L'Empire ottoman n'est pas seulement l'héritier de l'Empire byzantin. La conquête ottomane s'est déroulée sur de multiples territoires. L'État ottoman, ce n'est pas encore un empire, disons, l'émirat ottoman apparaît autour de 1300 en Bithynie, en Anatolie occidentale, sur des terres qui étaient byzantines. La conquête ensuite de la Thrace à partir du milieu du XIVe siècle s'est également déroulée sur des terres byzantines. La prise de Constantinople en 1453 est naturellement une conquête aux dépens des Byzantins, mais dans le même temps, à la fin du XIVe siècle, l'Empire ottoman a mis fin aux empires serbes et bulgares. D'autre part, il ne faut pas seulement penser aux conquêtes déroulées sur des pouvoirs chrétiens. Il faut aussi penser dans le même temps aux conquêtes à l'est et au sud sur des pouvoirs musulmans. Mm-hmm. Si bien que l'Empire ottoman est l'héritier de multiples héritages. Et certains de ces héritages sont des héritages impériaux au même titre que l'héritage romano-byzantin. Enfin, à la tête de la Serbie, il y avait un tsar. À la tête de l'Égypte, il y avait un sultan. Et il y avait également un calife en Égypte jusqu'en 1517. Les Mamelouks, c'était également un empire. Bon, donc, donc c'est de l'ensemble de ces conquêtes et de l'ensemble de ces organisations administratives qui sont peut-être pour certaines héritées de l'Empire romain de façon très lointaine, pour d'autres modes d'organisation administrative liées à la conquête arabe, par exemple, de tous ces territoires au sud de la Méditerranée. Eh bien, c'est de tout cela que, eh bien, le nouvel empire va se nourrir pour pouvoir fabriquer sa propre structure administrative et de gouvernement. Oui, alors le Nouvel Empire emprunte aux régimes qui l'ont précédé. Il y a certains de ces emprunts d'ailleurs qui sont codifiés, qui entrent dans des règlements provinciaux. Je ne sais pas, par exemple, en Bulgarie, le droit minier est d'origine saxonne et repris par les Ottomans. D'origine saxonne. Saxonne, oui. Ah oui, ça c'est. Voilà. Alors, il y a une législation minière qui est reprise par les Ottomans. Mais il y a un certain nombre de particularités fiscales propres aux régimes antérieurs qui sont reprises dans la législation. Dans la réglementation provinciale, et toute cette réglementation provinciale est compilée. La grande époque de compilation administrative, c'est le règne de Bayezid II, 1480-1512, et c'est ainsi qu'apparaît une législation, un corpus de textes administratifs et législatifs. Alors, il ne faut pas non plus exagérer la part des emprunts. Parce que n'oublions pas que l'Empire ottoman est avant tout un pouvoir musulman, que la charia, la loi islamique s'applique dans l'Empire, et que cette réglementation séculière compilée par les sultans et les oulémas, les docteurs de la loi islamique, ont fait en sorte qu'elle soit en tout point conforme à la charia. Mmh. Il y a tout un mouvement au cours du XVIe siècle pour qu'il y ait pleine conformité entre cette législation séculière et la charia. Nora Lafie, vous êtes avec nous depuis les studios de Berlin. Vous avez donc travaillé pour votre travail de thèse sur une ville du Maghreb entre Ancien Régime et Réforme ottomane. Il s'agit de Tripoli de Barbarie. Alors vous travaillez sur la période plus récente, puisque vous avez travaillé sur le XVIIIe et XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. Mais néanmoins, vous vouliez insister aussi peut-être sur les emprunts ou les restes de régime précédent dans l'organisation, puisque vous avez travaillé sur la gestion urbaine de la ville de Tripoli, dans l'organisation administrative d'une ville, par exemple. Oui, en effet, je me suis beaucoup plus intéressée au Tanzimat, c'est-à-dire les réformes au XIXe siècle. Mmh, on en parlera plus tard. Voilà. Oui. Mais justement, c'était pour comprendre ces réformes, je me suis posé la question, quelle pouvait être la nouveauté, la modernité, donc il fallait que je m'intéresse à ce qu'il y avait avant. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'ai poussé mes recherches jusqu'au XVe, XVIe siècle. Et donc, mes recherches sont dans la lignée de Claude Kahn, qui a écrit Pre-Ottoman Turkey en 1968, publié à l'IFEA à Istanbul. Et ce chercheur a lancé des grandes idées qui, comme Benjamin l'a bien noté, il y a une transition qui se fait avec des héritages très importants, à la fois de l'Empire byzantin, sassanide, mamelouk, et donc moi qui m'intéressais aux villes et à leur gouvernance, mes recherches sont en fait se distinguent dans la mesure où mes travaux portent plus sur la médiation. Donc effectivement, au XVIe siècle, le sultan, c'est un sultan musulman, avec une loi qui est basée sur la sharia, mais il y a un kanuname, qui est une sorte de constitution, et de droit, dans lequel les individus dans l'Empire ottoman, et notamment dans les villes, puisque je m'intéresse aux villes, mais aussi dans les campagnes, ont le droit de pétitionner l'Empire. Mmh. C'est-à-dire que le sultan et le comme on dit en arabe, Zil Allah fil alam, c'est-à-dire il est l'ombre de Dieu sur la terre, mais il n'est pas tout seul, il a une administration séculière, et cette administration repose en fait sur des élites locales, dans tout l'Empire, depuis la Bosnie à l'Arabie ou au Maghreb, il y a donc des gouverneurs, des notables locaux, et chaque individu a le droit d'écrire une pétition au sultan, et il y a toute une administration autour de la pétition. Et donc, mes recherches sur la gouvernance urbaine sont donc dirigées vers cette possibilité de pétitionner l'Empire, donc d'avoir une existence en tant qu'individu. D'accord. Et ça nous permet de comprendre pourquoi l'Empire a été aussi immense de manière rapide. Ouais. Périne Cavron. Oui, parce que finalement, on voit bien dans vos travaux aux uns aux autres que ce n'est pas uniquement une politique de la table rase. Quand l'Empire s'installe, il y a beaucoup d'adaptations, d'emprunts et surtout, on se repose beaucoup sur les élites locales, effectivement. Benjamin Lelouch. Oui, les Ottomans font preuve de pragmatisme. Enfin, c'est pas propre à l'Empire ottoman. Bien sûr. Que c'est du bon sens de la part des nouveaux maîtres de territoires aussi gigantesques. Alors, en effet, les Ottomans s'appuient sur les élites locales. Et certaines grandes familles de l'aristocratie balkanique se sont ralliées à l'Empire. Il y a eu même des grands vizirs un grand vizir des années 1460 qui était issu de très tôt après la conquête. Oui, il y a ces notables ralliés. Bon, ça c'est pour le gouvernement central, mais même dans les provinces, l'historien turc Halil İnalcık, qui a aujourd'hui 99 ans, enfin pas aujourd'hui, mais cette année 99 ans, a publié il y a un certain temps un registre fiscal concernant la province d'Arvanide en 1431. La province d'Arvanide se trouve au sud de l'Albanie et au nord de l'Épire actuelle. Bon. Eh bien, ce qu'il a constaté, c'est que dans cette province d'Arvanie, dans 1431, donc c'est conquis avant Constantinople, puisqu'une grande partie des Balkans ont été conquis avant 1453, dans cette province d'Arvanie, en 1431, la moitié des Timariotes, c'est-à-dire la moitié des personnes qui ont reçu des concessions fiscales de l'État pour maintenir l'ordre en temps de paix, et aller à la guerre aux côtés du sultan s'il y a mobilisation. La moitié de ces Tibariotes sont en fait chrétiens. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes là, dans le gouvernement local, face à des élites qui ne sont pas encore convertis à l'islam et qui sont directement issus des élites des régimes antérieurs. Alors, il faut peut-être à ce niveau de notre discussion, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas très bien l'organisation de l'Empire ottoman, leur donner deux ou trois éclairages, parce que évidemment il y a des noms qu'on connaît mais dont on ne sait pas très bien à quoi ils correspondent. Vizir, grand vizir, sultan, pacha, etc. Vous pouvez en quelques mots, les uns ou les autres, nous donner deux ou trois nomenclatures qui permettraient de s'y retrouver. Je ne sais pas, Benjamin Lelouch. Alors, je peux commencer par sultan. Alors, sultan, c'est un mot qui est apparu au XIe siècle, qui date de l'arrivée des Seldjoukides au XIe siècle dans le croissant fertile en Iran. Et en Iran, sultan en arabe, c'est le pouvoir. Sultan, ça désigne le détenteur d'un pouvoir militaire. Il n'y a aucun contenu religieux dans le sultanat, dans le pouvoir du sultan. Le sultan est apparu dans le contexte de la décentralisation de l'Empire abbasside. Les sultans étaient donc ces hommes forts dans les différentes provinces de l'Empire, mais qui de fait étaient indépendants. Odile Moreau, allez, petit quiz, le vizir ou le grand vizir? Alors, pour compléter sur le sultan, en fait, le sultan est aussi calife, donc il a une double, à la fois donc un titre double et aussi une double légitimité. Donc, comme Benjamin l'a bien expliqué, donc en tant que sultan, il est détenteur du pouvoir temporel et en tant que calife, il est représentant du pouvoir spirituel. C'est-à-dire, il est à la tête donc de la communauté musulmane qui dépasse donc les frontières de l'Empire ottoman, c'est-à-dire c'est la communauté des croyants dans le monde entier. Et donc ce titre de calife, en fait, il va en être détenteur après la conquête de l'Égypte. Mais peut-être Benjamin voudra revenir. Benjamin Lelouch. Sur la question du califat ottoman, le califat a été revendiqué par les sultans ottomans, surtout à l'extrême fin de l'histoire de l'Empire. Époque du califat ottoman, c'est Abdulhamid II. Abdulhamid II. Disons que le califat, la revendication au califat est une pièce de la diplomatie ottomane après la conquête russe de la Crimée en 1783. On est vraiment à la toute fin. À la fin du 18e, 19e. Pour les époques antérieures, je le dis d'un mot très rapidement, pour les époques antérieures du 15e au 18e, disons qu'on voit apparaître de temps en temps ce terme de calife, mais au total, il n'est pas tellement mis en avant. Alors, donc, vizir ou grand vizir, ou je ne sais pas... Le vizir, en fait, c'est l'équivalent d'un ministre. Donc c'est un ministre, et le grand vizir, c'est... Le premier ministre. Entre guillemets, le premier ministre, donc, qui siège, donc, ce qu'on appelle, dans un mot très usuel aujourd'hui, le divan, en fait, c'est son conseil des ministres. Nora Lafi, le gouverneur, c'est un gouverneur civil ou un gouverneur militaire quand on est gouverneur de province, par exemple? C'est un gouverneur civil. Mmh. Et juste, je voulais ajouter, pour compléter sur la question du sultanat, du sultan, surtout, il a un pouvoir également civique. Le sultan incarne la justice. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je reviens encore sur le système pétitionnaire, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les provinces, on s'adresse au sultan. Mmh. Quand on commence une pétition, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque byzantine, on s'adresse au sultan parce qu'il a les pouvoirs de rendre la justice. Mmh. Et donc, pouvoir militaire, oui, mais pour les provinces, ce qui est très important, c'est le pouvoir civique qu'il incarne, donc la justice. Et c'est la raison pour laquelle on adresse cette pétition, parce qu'il est celui qui va rendre la justice et qui va justement, d'une certaine manière, la rendre, même quand il y a un gouverneur local dans une province qui n'est pas comme on aimerait qu'il soit, s'il est corrompu, eh bien, on peut passer directement par le sultan pour éviter la corruption locale. D'accord. Et donc, c'est pour cela que ces gouverneurs ce sont des walis, c'est-à-dire qu'ils gouvernent des provinces, et ce sont des gouverneurs administratifs. Ah, nous avons été coupés avec Berlin. Périne Carbon. Oui, alors peut-être pour revenir encore sur ces questions de vizir, on a traditionnellement l'habitude dans les lieux de pouvoir d'avoir des questions de généalogie, d'héritage, de noblesse. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, les vizirs, c'est forcément des familles nobles. C'est forcément... Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les particularités justement des vizirs dans l'Empire ottoman? Et de la reconstitution de ces élites qui ne correspond pas forcément à ce qu'on connaît code par ailleurs, Benjamin Lelouch. Au XVe siècle, on a, par exemple, un vizir de Mehmed II qui est issu de la... Mehmed II, donc, qui est le conquérant de Constantinople, qui a régné à partir de 1451, qui est issu de la grande famille des Chandarle, qui dominait un des émirats anatoliens conquis par les Ottomans. Donc, nous avons là l'exemple d'élite musulmane pré-ottomane récupérée par le pouvoir ottoman et passé au service du pouvoir ottoman. Cela dit, à partir des années 1460-1470, eh bien, de plus en plus, on accède au grand vizirat par le defshirme. Alors, il faut que j'explique. C'est une institution fondamentale de l'Empire, mais que certains de nos auditeurs doivent connaître. Le defshirme, c'est la levée de garçons chrétiens dans les campagnes de l'Empire, soit dans les campagnes balkaniques, soit dans les campagnes anatoliennes. Des garçons chrétiens qui sont donc arrachés à leur famille, qui sont conduits à Istanbul où ils sont circoncis. Et ensuite, pour eux, il y a deux carrières possibles. Certains se destinent à la troupe, enfin sont destinés à la troupe, et la plupart des janissaires sont à la fin du XVe et au XVIe siècle sont recrutés par le defshirme, mais d'autres sont élevés au palais, et au palais ils sont placés sous l'autorité des eunuques blancs, et ils accèdent à des carrières palatiales, leur sont donnés des fiefs de service, ces fiefs de service dont j'ai parlé tout à l'heure, qui impliquent de maintenir l'ordre en temps de paix et d'aller à la guerre aux côtés du sultan si nécessaire. Et puis ensuite, ils accèdent éventuellement au gouvernorat de province, au vizirat et au grand vizirat. Si bien qu'une partie très importante, c'est pas la totalité, mais une partie très importante des grands vizirs de l'Empire à la fin du XVe et au XVIe siècle, et encore au XVIIe, sont d'origine en fait chrétienne. Mmh. Et alors, est-ce que ça fait d'eux des esclaves, comme on pourrait l'imaginer, puisqu'ils ont été arrachés comme ça dans des contrées lointaines et puis ensuite mis au service du pouvoir? Et est-ce que ça crée des généalogies? Est-ce que ça crée des familles, des familles de pouvoir? Ou est-ce que le pouvoir ne dure que le temps de la vie du vizir, par exemple, ou du gouverneur? Alors, ils sont de statut servile. Ils sont de statut servile. Et dans ce système-là, il n'y a pas d'hérédité possible, d'hérédité politique possible. Parce qu'il y a aussi une idéologie qui pense que la régénération vient ce renouvellement permanent de ceux qui servent l'Empire en allant les chercher dans des contrées plus lointaines aussi. Il y a surtout qu'il y a la volonté de court-circuiter les grandes familles musulmanes pour s'assurer des élites totalement dévouées au pouvoir du sultan. Odile Moreau. Alors, si vous me permettez, peut-être revenir un petit peu sur le contexte de l'Empire ottoman. Justement, pourquoi aller chercher choisir des fils extrêmement robustes dans les Balkans, etc., dans les familles chrétiennes? Parce qu'en fait, on est dans un empire qui est à la fois pluriethnique et pluriconfessionnel. Et le sultan, donc, cherche à s'attacher avec un lien indéfectible son armée. C'est un petit peu une relation. Sa protection, son armée qui est aussi sa protection. Oui, qui est aussi sa protection. Et c'est aussi créer un lien indissoluble avec des enfants qui coupent tout lien avec leur famille. Alors, c'est extrêmement douloureux pour les familles parce que quand leurs fils sont choisis, ça veut dire qu'ils ne vont plus les revoir. Mais en même temps, comme on est dans un système qui fonctionne à la fois sur la méritocratie et le patronage, c'est aussi l'opportunité, comme Benjamin l'a rappelé, de pouvoir franchir éventuellement, pour les plus brillants, tous les stades qui conduisent justement jusqu'au plus haut vizirat. Ouais. Alors on parle des janissaires, généralement justement on résume un peu l'armée ottomane aux janissaires, donc à la période classique, mais ce sont donc les janissaires qui est une armée en fait soldée, donc c'est extrêmement prestigieux, donc ce sont les janissaires qui ont fait trembler l'Europe, ce sont les deux sièges de Vienne, vous voyez toute cette représentation qui nous reste jusqu'à aujourd'hui. Et puis donc on a aussi un autre corps prestigieux, c'est le corps des cavaliers, les cipayis. Donc tout à l'heure, Benjamin a évoqué les concessions fiscales, donc les timars, donc eux ne sont pas des troupes soldées, mais on leur accorde, donc en fait, non pas un fief comme dans l'Occident chrétien, mais une concession fiscale, c'est-à-dire c'est une délégation pour percevoir les impôts, et cette délégation, elle est temporaire, c'est-à-dire elle est révocable à tout moment. Et là aussi, on voit que le lien est toujours, on peut toujours le remettre en question. Oui, c'est ça qui est assez évident, et ça répond très clairement à la question que posait tout à l'heure Perrine Carman, c'est-à-dire cette capacité justement de remettre en jeu en permanence, parce que on n'a pas parlé des assassinats d'héritiers présomptifs qui vont évidemment disparaître au profit d'autres enfants ou du harem ou d'ailleurs qui vont prendre la place de celui qui devait être calife, par exemple, ou qui devait être sultan. Et donc, on voit bien qu'il y a en permanence une remise en jeu de ces titres de gouvernement. Oui, donc si vous me permettez, juste pour terminer, justement, en fait, on peut distinguer un peu deux périodes. La période classique, la période de l'apogée de l'Empire ottoman, où en fait, on a ces timars, ces concessions fiscales, qui sont un puissant mobilisateur aussi pour accélérer la conquête. C'est-à-dire, en cas de conquête, on a une attribution, donc de nouvelles concessions fiscales. Et ce système va commencer à se gripper à partir du moment où on n'avance plus dans les conquêtes. Et quand on commence donc le reflux, là, ça va être terrible. Il va y avoir donc en fait un système c'est le grain de sable qui va commencer à enrayer le système. Et puis progressivement, il va y avoir, entre guillemets, un peu comme une paupérisation, etc., un problème aussi financier très, très sérieux qui va toucher aussi la classe militaire. Nora Lafi, vous êtes en duplex avec nous depuis Berlin. Oui, encore quelques petits mots concernant le rôle des janissaires, Yeniçeri, c'est-à-dire la nouvelle milice. C'est une corporation qui effectivement vient du système d'Erfischrime, mais le problème, pardon, j'ai l'habitude de parler en anglais. Pas mal. Je suis désolée. J'aurais pas été capable de le faire à votre place, donc c'est très bien, continuez. Ses enfants. Pour revenir à ces enfants qui, normalement, entrent dans ce système à partir de l'âge de 8 ans, de nouvelles recherches ont montré, notamment dans les régions balkaniques, que les familles des notables cherchaient à mettre leurs enfants dans ce système, parce qu'en fait, c'était la possibilité de voir leur enfant dans l'administration, la haute administration. Et il y avait une sorte de gloire qui leur retombait en tant que pourvoyeurs, pourrait-on dire, de jeunes futures élites de l'Empire, en l'occurrence, sur ces familles d'origine. Exactement. Et il faut surtout rappeler qu'en fait, cet empire reposait sur le système de médiation. Donc, si vous avez des personnes de votre entourage, de votre clan, de votre région, vous avez beaucoup plus de facilité à avoir une médiation entre l'empire et les élites locales. Vous voulez dire qu'ils se faisaient un peu les porte-parole de leur communauté d'origine, même s'ils avaient été séparés de ces communautés d'origine dès la prime enfance? Absolument. Et donc, nous avons, par exemple, des vizirs qui viennent d'Alep, par exemple, au XVIIIe siècle. Et donc, il y a parce que la plupart des vizirs, comme l'a dit Benjamin, sont plutôt originaires de Grèce, d'Albanie, effectivement. Et donc, quand elles viennent des provinces arabes, donc moi, c'est celle que j'ai suivie de plus près, cela permet d'avoir, en fait, la possibilité d'avoir une médiation au niveau du pouvoir central. Et l'Empire repose sur cette dimension de négociation. Et de médiation. Odile Moreau. Donc, dans un premier temps, le service du Dev Shirmé prévoit en fait le célibat. C'est-à-dire, les janissaires sont voués corps et âme au sultan, ils n'ont pas le droit de se marier. Donc, ne se pose pas la question de la succession, de la reproduction sociale, etc. Mais, évidemment, il va y avoir beaucoup de pression, et puis, bon, ça, c'est la théorie, puis la pratique, ils vont quand même avoir des enfants, etc. Et dans un deuxième temps, le système va s'assouplir et ça correspond aussi au moment où on est dans un peu une adaptation. Et bon, il faut aussi souligner la grande plasticité, la grande capacité d'adaptation de cet empire qui va, malgré tout, quand même survivre pendant 6 siècles. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Fabrique de l'Histoire, donc consacrée toute cette semaine à l'Empire Ottoman et dernier volet de ces émissions consacrées à l'Empire Ottoman. Et bien aujourd'hui, nous parlons de la façon de gouverner l'Empire Ottoman, comment gouverner sur une aussi longue durée. Odile Moreau vient de nous rappeler que cet empire avait duré 6 siècles et que sur une aussi grande durée et aussi sur un aussi grand espace, un empire comme celui-ci. Les capacités d'adaptation dont parlait Odile Moreau de cet empire, elles sont tout le temps présentes. Par exemple, vous travaillez, Benjamin Lelouch, sur la période d'origine, sur la période d'installation de cet empire. Mais évidemment, tout au long de ces siècles de l'Empire ottoman, on va à chaque fois tenir compte des conditions nouvelles, soit à l'extérieur de l'Empire avec les puissances qui combattent l'Empire, soit à l'intérieur de l'Empire avec l'apparition d'ennemis intérieurs d'une certaine façon pour pouvoir justement régler ces conflits potentiels, Benjamin Lelouch. Oui, capacité d'adaptation, c'est une expression peut-être qui idéalise un peu l'Empire ottoman. Enfin, je veux dire, l'Empire a évolué et en histoire tout évolue, donc c'est pas surprenant que l'Empire ait évolué. Mais il y a de profondes évolutions. disons, le fait que la conquête prend fin, en gros, au milieu du XVIe siècle. Mmh. Il y a d'autres conquêtes par la suite, notamment celle de Crète au milieu du XVIIe, mais c'est relativement marginal. Le fait que nous ne soyons plus dans un état en expansion, ça change profondément les choses. Odile disait à l'instant que ça signifie qu'il n'y a plus d'attribution de nouveaux fiefs de service, de nouvelles concessions fiscales. En effet, ça va donc entraîner une remise en question profonde de l'organisation militaire. De plus en plus, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'armée ottomane, c'est un ensemble de forces qui dépendent du sultan, des vizirs, des gouverneurs de province, qui sont directement salariés par eux. Donc ce ne sont plus des gens qui vivent sur le pays, avec une cavalerie légère qui vit sur le pays. Et de plus en plus, on constate des phénomènes, je dirais, d'hérédité politique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un déclin du Defshirme d'origine. Voilà. Bon, le Defshirme, il existe encore au XVIIe. La dernière mention que l'on voit, c'est 1702. Bon, peut-être qu'il a existé par la suite. Enfin, la dernière trace que l'on ait est en 1702. Le Defshirme, il faut le comprendre comme une institution de l'après-conquête. C'est-à-dire que on a vaincu des ennemis, et dans la période qui est une période d'après-conquête, les Ottomans sont en position de force et sont en position de continuer à prélever des soldats sur les vaincus. Bon. Alors, sans doute que à partir du moment où la conquête se stabilise, cette institution est en déclin. Elle est d'autant plus en déclin, d'ailleurs, que des familles musulmanes cherchent à donner leur fonction à leurs enfants. Et donc, ces nouveaux venus politiques... Oui, il y a une sorte de combat interne pour pouvoir conquérir cette élite et devenir une élite de l'Empire de demain, d'une certaine façon. Odile Moreau, sur ces changements subtils de l'après-conquête, comme vient de nous raconter Benjamin Lelouch, jusqu'à un moment où l'Empire stabilisé n'est plus en expansion, s'est installé, et donc doit gérer des conflits internes pour pouvoir garder ou prendre le pouvoir, en l'occurrence. Oui, donc la période de l'apogée de l'Empire ottoman, c'est donc le règne de Soliman le Magnifique, donc au XVIe siècle, comme Benjamin le disait, c'est un peu donc à la moitié du XVIe siècle, là c'est vraiment le grand rayonnement, etc. C'est l'excellence dans tous les domaines, y compris donc sur le plan militaire, de gestion donc des provinces, de l'administration. Donc c'est là, par exemple, pour des gens qui seraient intéressés à travailler sur cette période, où il y a énormément donc de registres tenus donc avec de manière très détaillée. Donc c'est une source très importante. Et on les trouve où, ces registres, pour l'instant? Ils sont à Istanbul? Oui, donc à Istanbul, donc au palais de Topkapı, et donc ils sont largement consultables, mais bon, ils sont écrits en ottoman, et pour certains documents, on trouve aussi donc des langues, entre guillemets, concernant les provinces locales, ouais. Donc par exemple arabe, donc éventuellement peut-être aussi d'autres dialectologie qui ont un petit peu transparu dans certains documents. Et donc ensuite, bon, comme disait Benjamin, donc le système va se gripper, donc il y a quand même une capacité à trouver un équilibre. Et donc pour nous, pour la périodisation, donc on retient généralement, on situe en fait le grand tournant à la fin du 18e, donc avec le traité de Küçükkarınarca, donc en 1774, où là donc l'Empire ottoman enregistre une sévère défaite face à la Russie, et ça marque donc dans l'historiographie classique le début de la question d'Orient. Et en fait, ce questionnement sur la capacité de l'Empire ottoman à se défendre. Donc aujourd'hui, on parlerait de parité, donc de parité avec les puissances environnantes. Donc en gros, c'est la Russie, c'est l'Europe, c'est l'Autriche. Et il va y avoir donc déjà un cheminement. Donc comment se réformer à partir du début du XVIIIe, et ensuite ça va se concrétiser donc à la fin du XVIIIe siècle avec donc Selim III, donc le Nizami Djedid, qui est donc le précurseur donc du réformisme ottoman, à la fois donc militaire et civil. Perrine Cameron. Est-ce qu'on voit ces évolutions aussi, est-ce qu'elles se traduisent dans la façon dont l'Empire ottoman, dont le sultan communique avec les provinces, gère justement l'autorité, fait passer les instructions du centre vers tous les territoires de l'Empire. Oui, tout à fait. Justement, en fait, au XVIe, tout fonctionne, tout est cadré, tout fonctionne. Et puis, donc, progressivement, il va y avoir donc une distension du lien. Et même donc, les historiens parlent en quelque sorte, donc, à la fin de l'Empire ottoman, donc, surtout donc, au XVIIIe siècle, jusqu'ensuite aux réformes des années 1820-1830, d'une forme de décentralisation. Mmh. Et c'est justement un problème existentiel. Une décentralisation subie, finalement, pas du tout souhaitée. Ah non, pas du tout. Justement, c'est un risque d'implosion. Ouais. C'est-à-dire un risque d'implosion des provinces. Et puis, donc, il y a aussi une compétition, donc, à l'intérieur de l'Empire ottoman, avec, donc, des élites, des gouverneurs de provinces, des familles de notables, donc, particulièrement, donc, dans les Balkans, qui cherchent à s'émanciper. Et donc, hier, vous avez évoqué la question du nationalisme, bien etc. Sûr. Donc, là, ça va commencer vraiment à bouillonner à la fin du XVIIIe. Nora Lafi, sur votre terrain, ce sur quoi vous avez travaillé, à savoir Tripoli, de Barbarie, ville du Maghreb, donc entre ancien régime et réforme ottomane. Vous voyez justement ces tremblements que vient de décrire Odile Moreau, ces distensions, ces distorsions vis-à-vis de la centralité impériale. Alors, tout d'abord, je tiens à me situer, situer mes travaux dans les nouvelles recherches qui contestent le fait de dire que le XVIIIe siècle est le déclin. C'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout le déclin, bien au contraire. On a souvent tendance à lire l'histoire du XVIIIe siècle avec ce qui arrive dans l'Empire ottoman, l'expédition d'Égypte en 1798, et le début d'un démembrement de l'Empire ottoman, c'est-à-dire avec l'Égypte, ensuite en 1821 la Grèce, effectivement. Mais le XVIIIe siècle, c'est un siècle, effectivement, il y a des tensions, mais l'Empire vit sous la négociation et les tensions. Il y a des dynasties qui se construisent et ces dynasties sont intégrées dans la gestion de l'Empire. Et donc, comment ça se traduit pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien cette période? Concrètement, ça donne quoi, en l'occurrence, Nora Lafi, que vous développez? Alors, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'en fait, l'Empire se construit dans la diversité. C'est-à-dire que l'Empire ne cherche pas à assimiler absolument. Toutes ces provinces de la Grèce à la Bosnie ou à l'Algérie ou à la Tunisie d'aujourd'hui, ces provinces-là, on ne cherche pas à les intégrer, à les changer de nature. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la construction, c'est plutôt une construction mutuelle entre Istanbul et les notabilités locales, avec des dynasties, comme par exemple celle de Tunis, les Husseinites, ou à Tripoli, les Karamanlis. Mais il y a dans toutes les provinces, même anatoliennes, des dynasties. Et donc, le pouvoir, c'est un pouvoir qui se négocie avec ces dynasties et ces notabilités locales. Donc, je me détache fermement de la vision classique d'un empire, en fait, gouverné depuis le centre, qui est Istanbul, et représenté dans les provinces par des gouverneurs et des militaires. C'est beaucoup plus compliqué, parce que même ces castes, les janissaires, par exemple, et là, j'insiste bien que ces castes, eh bien, elles se marient avec des populations locales. Donc on a des femmes locales qui se marient avec des janissaires qui viennent de loin, d'accord ? Donc j'insiste sur cette diversité, sur ce mariage. Donc on est plus dans un modèle de mixité et d'insertion dans les sociétés locales. Et ensuite, ces sociétés locales, sont aussi à Istanbul. Mais on dit aussi tout de même que, justement, pour bien mesurer ce qu'est cette capacité à gouverner un empire, c'est généralement de voir comment sont gérées les crises. Alors, à un niveau comme celui que vous avez mesuré, qui est le vôtre, Nor Halafi, par exemple, dans cette région de Tripoli, dans le Maghreb, comment sont gérées justement ces crises quand elles interviennent ? Crise entre l'État central et les familles locales, les gouvernorats locales, etc., parce que soit des crises fiscales, soit des crises d'un autre ordre. Comment ça se gère, justement, puisque vous dites qu'il faut insister sur la négociation, l'aller-retour entre le centre et la périphérie ? Exactement. Alors, j'ai travaillé sur un fonds merveilleux, qui est le fonds des pétitions. Donc, ce système pétitionnaire montre bien qu'en fait, le système entre ces familles, le gouverneur, les élites locales, les corporations, hein, les corporations de métier, en fait, s'adressent, peuvent pétitionner le gouverneur local, d'accord, mais ils peuvent aussi pétitionner le gouvernement central, c'est-à-dire à Istanbul. Et donc, il y a une recherche de la justice et les crises sont gérées par un système très codé de la paix. C'est-à-dire que je vous envoie une pétition, voilà, je ne suis pas content parce que le gouverneur est corrompu et il ne représente pas ce qu'il devrait représenter. Et donc l'Empire met en place un système donc, d'enquête, et vous avez dans les dossiers des pétitions l'enquête, et... après l'enquête, il y a une négociation dans un conseil à la fois local et un conseil à Istanbul, au Diwan, qui parle de cette affaire et qui donne des réponses. Après, les réponses sont appréciées ou pas. Et cela donne tout un système de production d'archives pour lequel c'est vraiment important à la fois pour les familles locales, les gouverneurs et pour la gestion impériale. Le papier est extrêmement important. D'accord. Et donc, du coup... Et c'est bien pour l'historien plus tard aussi. Et c'est bien pour les... Voilà, exactement, parce qu'on comprend mieux comment cette médiation s'opère entre des provinces qui sont très loin d'Istanbul, par exemple. Et la pétition est un moyen très banal de gérer une crise. Odile Moreau. Alors très concrètement, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman est à la croisée des chemins et ce qui est en jeu, c'est sa survie. Alors peut-être que le danger le plus important ne vient pas donc de l'extérieur, mais de l'intérieur des provinces, de ce risque d'implosion. Alors Selim III donc va essayer de promouvoir, donc de réformer l'armée. Alors on a parlé de ces janissaires qui avaient en fait un statut extrêmement privilégié. C'était un petit peu un état dans l'état. Donc oui, il faut garder même, à l'esprit. Ils étaient même souvent critiqués pour les abus qu'ils pouvaient avoir parfois de leur pouvoir, par exemple. Oui, donc financièrement, donc ils touchent une solde, même si elles sont payées avec du retard. Bon, c'est quand même appréciable. Ils sont exempts de tout impôt. Donc vous voyez, on va les supprimer cette institution. Oui, mais justement, ils ne vont pas se laisser faire comme ça, même s'ils ne sont plus effectifs pour défendre l'empire vis-à-vis de l'extérieur, ils ont encore une très grande capacité de nuisance, donc y compris pour destituer des sultans. Et le deuxième donc, niveau aussi qui est important, c'est le niveau religieux. Pour arriver à promouvoir donc, une réforme, il faut avoir donc, l'appui des oulémas. Des oulémas, donc des religieux, la légitimité religieuse. Et ça, donc, tant que ça ne va pas être acquis, ce ne sera pas possible. Et ça va être une des raisons aussi pour lesquelles, en fait, Selim III va s'appuyer, on a parlé tout à l'heure donc, du grand vizir, des ministres, sur un tout petit un mouchoir de poche, donc des compagnons, des ministres qui lui sont fidèles, pour promouvoir donc, une petite réforme, donc avec un nouveau corps réformé, à côté de celui des janissaires. Mais donc, cette nouvelle armée qu'on appelle le Nizami Cemil, va être recruté en Anatolie. Donc dans les Balkans, c'est pas possible parce que donc les élites locales ne veulent pas participer, y compris donc à Istanbul. On va les loger dans des casernes séparées parce que ils risquent de se faire tuer par les janissaires. Donc vous voyez, c'est vraiment très très tendu. Et donc la première étape, la première strate, ça va être cette petite réforme de Selim III. Et ensuite, donc il va y avoir une interaction donc intra-musulmane. Tout à l'heure, on a parlé de la campagne de l'Égypte, donc en 1798. Donc Mohamed Ali, lui en Égypte, va prendre exemple sur Selim III, il va analyser la situation, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, il va se dire, il ne faut pas garder l'ordre ancien, donc en l'occurrence l'Égypte, les Mamelouks, il faut faire la politique de la table rase. Et en 1811, donc il va éliminer tous les Mamelouks, donc il va les inviter à une fête au sein de la citadelle, donc ils sont repus, toutes les portes sont fermées, et concrètement... Il les extermine. Voilà, il les extermine, et il va aussi donc s'inspirer donc du modèle français, de la conscription, et on va aussi passer, c'est le moment où on passe donc entre le 18e et le 19e, à des armées d'armées professionnelles, à des armées de conscription, et c'est pas simple, nulle part. Et de ce point de vue-là, donc il y a quand même une très grande réactivité de l'Empire. Alors vous voyez, là, on a une armée modernisée. Réforme, c'est une réforme militaire qui précède les réformes civiles qui vont se mettre en place dans les années 1830 avec ce qu'on appelle donc les Tanzimats, et qui vont se mettre en place en deux temps, 1830 et les années 1850, pour pouvoir justement moderniser cet empire et sa gestion, mais en point de vue de sa gestion administrative, civile et entre guillemets de liberté au pluriel qui pourrait être accordée aux membres de l'Empire, c'est cela ? Oui, donc en fait on a justement cette première strate au centre de l'Empire ottoman en 1826 où le sultan Mahmoud II va devoir se réformer dans l'urgence parce qu'en fait l'Égypte le menace. L'Égypte menace le centre de l'Empire. Mmh. Donc on a justement l'occupation de la province de Syrie, les armées égyptiennes vont arriver jusqu'à Konya, donc très concrètement le sultanat risque de tomber et donc 1826, c'est cette première étape. Ensuite, c'est la promulgation de la charte de Gulané en 1839, qui va être détaillée par le rescrit impérial de 1856 après la guerre de Crimée, où en fait, donc, l'Empire ottoman était l'allié de la France et de la Grande-Bretagne. Et ensuite, le point d'aboutissement des Tanzimats, c'est la promulgation d'une constitution en 1876. Constitution qui va être suspendue la même année. Mais oui, à cause de la guerre, par le sultan Abdul Hamid qui instaure donc un pouvoir... Autoritaire, autocratique, et ce sera donc l'un des mobiles justement des jeunes Turcs de restaurer donc la constitution pour promouvoir une monarchie constitutionnelle dans l'Empire. Périnque. Mais alors, avant ces réformes, finalement, on peut voir que l'un des moyens de restaurer l'autorité, c'est l'usage de la violence, ce qui est là quelque chose d'assez classique. On le voit avec les Mamelouks, par exemple, où finalement, là, c'est une manière de reprendre la main en faisant usage d'une violence assez spectaculaire. Oui, mais c'est en ce qui concerne l'armée, parce que sinon, en fait, on est toujours, là, ce qui ressort un petit peu, justement, des trois communications, c'est d'abord la négociation. On est dans la négociation, la palabre, etc. Et puis, éventuellement, ça fonctionne pas, on entre dans le rapport de force. Nora Laffy, sur ces questions ? Oui, sur la question de la violence, je pense que la nature de cette violence, elle est vraiment localisée, je veux dire, parce que Mehmed Ali a pu faire cela, parce qu'il y avait la possibilité de gagner sur une autre faction. Mehmed Ali est un ottoman, hein, un grec ottoman albanais en Égypte, et donc et la Syrie, c'est une province ottomane, et l'Empire ottoman est justement, depuis le début, il fonctionne avec des hommes de ce type-là, et encore une fois, c'est toujours une négociation, même avec Mehmed Ali, parce qu'ensuite il se range, il est dans la réforme ottomane, une réforme qui ne se fait pas depuis Istanbul seulement, c'est une réforme qui se fait avec toutes les élites locales et toutes les provinces. Et donc on rentre dans un 19e siècle, le siècle des Tanzimats et des réformes, de la modernité, mais cette modernité, il faut la voir comme une manière aussi de l'Empire ottoman, à peu près tous les 30 ans, il se remet en question et repense sa gestion. Donc en fait, je suis plus dans les recherches qui nuancent un petit peu l'aspect grandiose de la modernité des Tanzimats. Ouais. Oui, il y a une modernité, mais cette modernité, il faut la discuter. Et par exemple, l'Empire, ce que j'ai oublié de dire pour la période classique de l'Empire ottoman avant le 19e siècle, repose sur l'autonomie des villes. Et donc cette autonomie avec cette dynastie, les villes ont le pouvoir d'agir. Et donc dans les villes, il y a un vivre ensemble avec différentes communautés, des juifs, des musulmans, des chrétiens et autres religions dans la ville. Et donc ces villes-là ont une entité, elles ont une autonomie. Et au XIXe siècle, durant ces réformes où on institue une nouvelle gestion de l'Empire pour faire face au capitalisme du XIXe siècle, on s'appuie sur les villes. Et les villes, c'est la gestion. Donc, comment gérer ces villes au XIXe siècle? On crée des nouvelles municipalités, qui est un nouveau outil de gestion. Et ces municipalités, les Belediye, dans toutes les villes de l'Empire ottoman, depuis Jérusalem à Sarajevo, ou en Arabie, à Jeddah, ou à Tunis, ou à Tripoli, Beyrouth, Damas, on crée des nouvelles municipalités standardisées, mais cette municipalité moderne, on s'appuie sur les différentes manières de gouverner les villes qui ont marché dans tout l'Empire, et avec des élites locales à Istanbul. Et donc, ce n'est pas Istanbul, le Turc, qui impose depuis la capitale impériale. C'est toujours dans la négociation. C'est toujours dans une manière très souple, flexible de négociation et d'insertion de gestion locale dans l'impérial. Périne Cameron. Oui, et peut-être pour finir, on peut justement évoquer cette question de... Vous avez parlé, le Turc qui imposerait les choses à son empire. La question justement de... Est-ce que les sujets de cet empire se sentent ottomans? Est-ce que finalement, ça a pris? Est-ce qu'il y a une identité commune qui s'est instaurée au fur et à mesure de l'installation de cet empire? Benjamin Lelouch. Le mot ottoman veut dire Osmanlı en turc, veut dire lié à Osman, c'est-à-dire lié à la dynastie. Puisque l'Empire ottoman, on ne l'a pas dit, on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est une seule dynastie, tout au long de son histoire. Les sujets jusqu'au XIXe siècle, les ottomans, c'est ceux qui sont les agents du sultan, c'est ceux qui sont au service de la dynastie. Après, il y a cette tentative d'ottomanisme au XIXe siècle, mais jamais la dynastie ne réussira à créer l'adhésion autour d'une nation ottomane. Justement, l'un des enjeux de ces réformes et des Tanzimat, à partir de la fin des années 1830, c'est de promouvoir une nouvelle identité et justement de sortir des identités communautaires, religieuses, et d'être avant tout donc ottoman, avant donc d'appartenir à sa petite communauté. Et donc l'un des vecteurs extrêmement puissants, ça va être l'éducation. Ça va être justement les écoles d'État pour donc sortir en fait du système donc des médressés pour les écoles religieuses musulmanes et puis donc des autres écoles communautaires. Et donc ça va quand même être important pour les agents de la fonction publique de l'Empire ottoman réformé d'après les Tanzimat. Et l'une des conditions justement pour accéder à des postes de responsabilité donc importants pour devenir jusqu'à pacha, etc., c'est de parler l'ottoman, quoi. Mais c'est une réforme tardive, on peut bien le dire, de toute façon, qui va tenter justement de faire en sorte que l'Empire tienne, mais ça ne tiendra pas très longtemps, effectivement, comme on l'a raconté hier, effectivement, sous le coup, en particulier, des nationalismes qui vont se déchaîner dans cet Empire ottoman. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde conclusive de notre émission, série d'émissions sur l'Empire ottoman. Merci à vous, Nora Laffy, et à ceux qui vous ont accueillis dans les studios de Berlin, puisque vous êtes chercheuse au ZMO de Berlin et auteur d'une ville du Maghreb entre ancien régime et réforme ottomane chez l'Harmattan, c'est la ville de Tripoli de Barbarie. Odile Moreau, on peut lire plusieurs de vos ouvrages, mais le prochain à paraître sera un ouvrage sur la Turquie dans la Première Guerre mondiale, à paraître chez Soteka Belin à l'automne prochain. Et Benjamin Lelouch, est bien spécialiste de cette naissance de l'Empire ottoman, on peut en savoir plus justement sur la conquête de l'Égypte, en particulier par les Ottomans, en lisant Les Ottomans en Égypte chez Peters en 2006. Merci à tous les trois d'avoir été aussi clairs. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Viona Bolivier et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous la chance d'avoir Alexandre Dang à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et nous nous retrouvons demain, Périne, pour une table ronde fiction. Donc, comme chaque mois dans la Fabrique de l'Histoire, nous traiterons de bandes dessinées, de théâtre, mais de séries historiques télévisées également. C'est au programme de demain dans la Fabrique de l'Histoire.